Bonsoir, on est aujourd'hui le 2 av 5714 et on est le 30 juillet 2014. Ok, ce cours ce soir est exceptionnel, ça va être pour Tisha B'Av avec la destruction du Beit Hamikdash et la reconstruction du Beit Hamikdash. Et ce cours est pour l'Inu Nishmat de Rosalie Baturida, de la Refoua Shelema de Nissim Ben Aviva et de la Refoua Shelema de Yael Bat Rosalie. Et Bezat Hashem, de tous les cholé amo Israël qu'il y a en Israël en ce moment, avec la guerre qui se passe entre le Hamas et Israël, Bezat Hashem, que ce cours est pour eux, que Hashem fasse qu'ils gardent nos soldats en vie, et que Bezat Hashem qu'on finisse avec ce conflit, une bonne fois pour tout avec nos ennemis, et que Hashem il nous garde et qu'il nous donne la délivrance avec Mashiach maintenant. Ok, alors tout ça va être le cours avec Rabbi Maimon Pinto sur Tisha B'Av. Bon, avant tout, hier dans le Parasha, cette semaine. Non, non, c'est une question. Cette semaine. Oui, Devarim. Oui. Non, pas Midbar. Ah, dans la Parasha de la semaine dernière. La semaine dernière, oui, oui. Enfin, Hachem nous a averti. Quand vous rentrez en Israël, faites attention, vous devez chasser les sept pays. C'est juste, j'ai entendu ça. Ok. Mais le roi de l'époque ne l'a pas fait comme il faut. Le bon Dieu, il nous a dit dans les parachats. Ouais. Il a dit si tu les extermines pas, tu vas payer. Tu vas avoir des problèmes dans le futur. Voilà. Et voilà que maintenant on est en train de payer pour ça. Non. C'est écrit la même chose où tu vas avoir des flèches. On le sait, mais on le sait. Non, on ne le sait pas. Oui. Moi, si je n'avais pas le livre des esclaves, qui ils sont l'enfant. En anglais, en anglais, avec en une traduction. Mais ils l'ont traduit avec en français maintenant. Oui. Ah, en traduction. Mais oui. C'est pas Ashkenaz, c'est tout, ça va. Non, le art school, le bleu. Il est très beau, oui. Et ça. Mais, voilà, mais c'est répété. Monsieur, approchez-vous un petit peu, parce que. Ok. Ça va. Wow. Venez, s'il vous plaît. De toute façon, c'est écrit aussi dans le Sefer Yeshua, oui. Oui. Dans le Sefer Yeshua, c'est écrit la même chose. Et là-bas, malheureusement, le peuple juif, quand ils sont entrés en terre d'Israël, ça leur a pris 14 ans. C'est la faute à Yeshua maintenant. Il a traîné. 14 ans. Non, mon cher Abel, non. Non, mais sinon, 14 ans. Bref, ça c'est le tchat. 14 ans, ça leur a pris de diviser la terre d'Israël. Et après 14 ans, ils n'ont pas fini le travail. Non. Dans les versets, c'est écrit qu'ils n'ont pas fini le travail. Ils ont laissé les nations qui résidaient dans les places où ils avaient conquis, etc. Ils ont les conquéris. Et Akash Bokhu, il envoie un ange et il les réprimande, etc. Mais bon, c'est une histoire très connue. Maintenant, quel est notre travail après tout ce travail? Maintenant, la situation, c'est comme ça. On ne peut plus retourner ces histoires. Non, on peut pas. Mais ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de rectifier et d'essayer d'amener Mashiach. Oui. Amen. Je vais faire juste un petit. Détour. Non, je vais faire un petit crash course. Comment on dit en français un crash course? Un cours accéléré sur l'histoire un petit peu de la construction du Beit HaMikdash, la destruction du premier Beit HaMikdash, après la construction du deuxième Beit HaMikdash et la destruction du Beit HaMikdash jusqu'à la venue du Mashiach. Et qu'est-ce qui va arriver exactement concernant? On voit ici, au commencement de la Parasha, on trouve que le territoire d'Eretz Israël, ça veut dire les périmètres, deviennent un peu plus élargis vis-à-vis les parachutes d'avant. Quand on regarde parachat Pinchas, on trouve aussi les bordures de la terre d'Israël. Après ça, on vient à parachat Massaé, on trouve aussi les bordures. Quand on regarde dans cette parachat, on sait très bien quand Mashiach va venir, on va avoir à Kéniv, à Knéziv, etc., on aura les dix nations, tandis que quand les Bnei Israël sont entrés en Eretz Israël, ils ont eu les sept nations, etc. les terres des sept nations qui habitaient, qui résidaient en Eretz Israël. Quand Moshe va venir, on aura les trois autres qui va faire dix nations. Maintenant, quand on regarde dans la paracha, on trouve que les bordures deviennent encore plus grandes. Mais Harparat, etc. Oui. Où est-ce que c'est venu tout ça? Du Nil jusqu'à l'Euphrate. C'est ça. Où est-ce que ça vient tout ça? Alors, premièrement, c'est comme ça. J'ai fait une petite analyse sur tout. Premièrement, on trouve, il y a une histoire. Je vais commencer avec une petite histoire. Il y a une histoire de deux cousins. Tisha B'Av, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Il y a une histoire d'une petite histoire que j'avais entendue d'un rave. Que deux amis, deux cousins, que un habitait sur un kibbutz, c'était dans les années 70, et un qui était un bachour yeshiva. Après quelques années, ils se sont rencontrés à côté du kibbutz, ils sont venus visiter, c'était des frères. Un des frères, quand il est venu en Eretz Israël, il est parti à un kibbutz, il a eu des enfants, et l'autre, quand il est venu d'Europe, il est parti à une yeshiva, ses enfants ont grandi dans un environnement religieux, etc. Alors les deux jeunes, ils commencent à parler, ils se racontent des histoires, etc. Et le jeune de la yeshiva lui demande, est-ce que tu sais que demain c'est Tisha B'Av? Et il lui dit, non, on ne célèbre pas Tisha B'Av ici dans le kibbutz. C'est-à-dire, on célèbre. On ne fait rien à Tisha B'Av, c'est une journée régulière, c'est un mardi. Bonsoir. Bonsoir. Alors il lui dit, c'est pour nous, c'est comme une journée régulière ici, c'est un mardi, c'est un lundi, c'est un mercredi. Ça soit n'importe quelle journée de la semaine. Tisha B'Av, c'est pas important. Bon, le petit bachou de la yeshiva est un petit peu choqué. Bon, il savait que au kibbutz, c'était pas un environnement religieux, mais à ce point-là, il savait pas. Alors, il lui demande, est-ce que dans votre kibbutz, vous discutez de Yom HaShoah? Vous connaissez tous Yom HaShoah? Oui, la journée de... Elle lui dit, mais bien sûr, c'est une journée très, très, très importante. On a des vidéos, on a des choses, plusieurs choses qui se passent à l'école. Il y a des choses qu'on apprend pendant des semaines, pendant des mois. Je lui dis, pourquoi c'est tellement important pour toi? Pourquoi c'est tellement important Yom HaShoah? Il lui dit, écoute, c'est une journée que... C'est une journée où on marque tous les décès de tous les juifs qui étaient dans l'Europe, etc. 6 millions de juifs qui sont morts, etc., etc. Et c'est aussi la fin et le début de l'État juif, oui. Après la guerre, l'État juif, alors c'est une commémoration pour l'État juif. Alors le bachour lui demande et lui dit, est-ce que tu sais que Tisha B'Av... Il lui dit, est-ce que tu sais qu'à Tisha B'Av... Bonjour, monsieur Fima. Ça va bien. Bonsoir. Bonjour, ça va bien. Bonsoir. Alors, il lui dit, est-ce que vous savez que Tisha B'Av, c'est une journée qui était exactement comme Yom HaShoah. C'est quoi Tisha B'Av? Tisha B'Av, c'est pas juste une journée religieuse. Ça n'a rien à voir, Tisha B'Av. Bon, c'est les religieux qui jeûnent, etc. Mais Tisha B'Av elle-même, c'est comme Yom HaShoah, si on veut. D'un côté. Tisha B'Av, on va voir que dans la première destruction du Beth Amikdash et la deuxième destruction du Beth Amikdash, on trouve des millions. Quand je parle de millions, il y a une Gemara qui a une opinion qui a 100 millions de juifs qui sont morts à Tisha B'Av. Pas 6 millions, 100. Et la Gemara raconte qu'il y avait une rivière de sang à Yerushalayim. Les gens pouvaient se noyer. Tellement. Alors, Gudei Betar, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus tard, c'est après la destruction du Beth Amikdash. il y avait 100 millions de juifs. Ah, bien sûr. Ah, oui. Oui. On n'était pas toujours 13 millions ou 14 millions. C'est ça, il y avait 10 millions et 10 millions de juifs qui habitaient en Eretz Israël, à Yerushalayim. Eretz Israël, c'était aussi la Jordanie, oui, Yarden. Selon les bordures d'Eretz Israël, ça va beaucoup plus loin que ce qu'Eretz Israël est aujourd'hui. Bon, il y a des bordures Elat concernant les bordures de la Torah, c'est pas considéré Eretz Israël. Elat, c'est en dehors d'Eretz Israël. Mais là où il a reçu Moïse, Sinaï. Au Sinaï. Oui. Ils disent que la vraie montagne se trouve en Arabie Saoudite. J'ai jamais entendu ça. Bref. Même Gaza, il paraît que c'est pas dans les territoires. Non, non. Ça, non, non, non, il est en vie. Non, non, Gaza, oui, c'est là. Brûlé. C'est le Chebet Dan. Oui. Chebet Dan. Est-ce que la montagne est brûlée au Koweït ou en Arabie Saoudite? Kishon. Que les. Mais c'est pas la Azata. Bon, bref, je vais juste essayer de fixer ici sur le temps de la construction du Beth Amidash. Après que le peuple juif est rentré en Eretz Israël, ça leur a pris 14 ans pour construire le Beth Amidash. Excusez-moi, ça leur a pris 14 ans pour diviser la terre d'Israël. Après, avec Yeshua, etc., ils ont fait des guerres. Malheureusement, dans le livre de Yeshua, ils disent qu'ils ont laissé. Et ils étaient un petit peu paresseux, si on veut. Ils étaient fatigués de faire la guerre. Alors, dans les certaines places qui sont arrivées, leur partie de leur territoire qu'ils ont reçu, ils devaient faire la guerre avec les gens avec les étrangers qui se trouvaient là-bas, oui, et les faire sortir, puisqu'ils étaient déjà fatigués 14 ans de guerre. Alors, c'est comme on trouve dans la paracha de la semaine passée. Si tu les laisserais, oui, voilà. Mais Yulene Khatsarim, Evir Defoutra, etc. Toutes les mauvaises choses que on trouve dans jusqu'à l'exil. Et comme ça a été en vérité. Déjà, dans Moshe Rabbeinu nous les avertit, ne pas laisser, etc. Déjà, Yeshua, ils étaient fatigués. Akash Bokhu leur envoie un ange leur disant, voilà. Parce que vous les avez laissés, voilà, votre punition, etc. Des choses très, très sévères qui se passent là-bas. Je ne veux pas les répéter. Ça se trouve, vous voulez les voir, vous pouvez le trouver dans Sefer Yeshua. Bref, quand les Bnei Israël, après 14 ans, quand ils sont arrivés, ils avaient un Mishkan, oui. Tout ce temps-là, il y avait un Mishkan dans le désert. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce Mishkan? Je sais qu'est-ce qu'ils ont fait dans le Mishkan, on sait très bien. Mais qu'est-ce qu'ils. Oui. Le Mishkan, c'était comme un Beth Amikdash sur des roues. Oui. Mobile. Un Beth Amikdash mobile. À chaque fois qu'ils arrêtaient quelque part, ils en campaient, ils construisaient le Mishkan. Là-bas, ils amenaient les sacrifices, les korbanot, etc. Maintenant, quand ils sont arrivés en Eretz Israël, ils sont arrivés à Gilgal. À Gilgal, ils étaient 14 ans pendant qu'ils étaient en train de faire la guerre. Pendant la guerre pour diviser la terre d'Eretz Israël, le Mishkan était là-bas pendant 14 ans, à Gilgal. Après qu'ils ont divisé la terre, ils sont arrivés à Shiloh, ce qui est appelé le Mishkan Shiloh. Oui. Combien de temps il était là-bas? C'est Mishkan jusqu'au 369 ans. Le Mishkan. Mais quand ils sont arrivés pour faire le Mishkan il était fait de quoi? Il y avait des bois et de l'or, etc. Il y avait quelque chose qui le couvrait. Quand ils sont arrivés à Shiloh, ils ont construit comme un bâtiment. Et sur ce bâtiment, ils ont mis les yériotes, les tentures, c'est ça. Ils ont mis les tentures du Mishkan et ça servait comme un mini Beth Amikdash, le Mishkan. Après que Eli à Cohen, Eli qui servait dans le Mishkan Shiloh, je connaissais très bien Eli, c'était qui Eli? On trouve la Haftara. Quelle Haftara? Batit Palel Chana, oui? Oui. Là-bas, on trouve l'histoire que Eli à Cohen est venu voir Chana et il lui demande que tu es sous, etc. Pourquoi tu pries, etc. Ça, c'était Eli à Cohen. Eli, c'était c'était le prêtre, c'était le Kohen qui se trouvait, et chacun qui amenait des korbanot venait à ce Mishkan qui se trouvait à Shiloh. Après que Eli Kohen est décédé, oui, le Mishkan Shiloh a été détruit. Le peuple juif sont arrivés et le Mishkan a été amené à Nov, la ville de Nov. Après Nov, Givron. Après la mort de Shmuel Hanavi alav shalom, le Mishkan a été amené à Givron. De Nov à Givron jusqu'à que Shlomo HaMelech alav shalom avait construit le Beth Amigdash. Oui, ça veut dire Shmuel après Eli. Shmuel c'était un des étudiants d'Eli, ça veut dire il a servi dans Mishkan Shiloh jusqu'à que ils sont arrivés. Maintenant, ça fait combien d'années le calcul, calculatrice? 369. 14, 369 et 57, c'est combien? 440 ans jusqu'à que le peuple juif construise le premier Beth Amikdash. Oui, jusqu'à que Shlomo HaMelech il construit. David HaMelech n'avait pas construit, hein? Il avait essayé de sortir David HaMelech. David HaMelech, il avait demandé à quelque part. David HaMelech avait pris le terrain, il avait acheté le terrain, etc. Quand il avait sorti David HaMelech de Mishkan, il avait essayé de sortir. Il y a eu comme un accident en chemin. Oui. Non, mais le Beth Amikdash lui-même n'avait pas été construit. David HaMelech voulait construire le Beth Amikdash. Oui, mais Akadosh Baruch Hu lui a dit qu'il ne pouvait pas. Pourquoi il ne pouvait pas construire le Beth Amikdash? Tes mains sont pleines de sang. Le Beth Amikdash, il signifie quelque chose de vie, de la vie, qui amène de la vie dans le monde, qui amène de la paix dans le monde. Et toi, tes mains sont remplies de sang. Ça ne va être pas toi, mais ton fils qui va construire le Beth Amikdash. Oui, bon, c'est très bien que quand Shlomo HaMelech est venu à l'entrée, quand il voulait inaugurer le Beth Amikdash, les portes ne se sont pas ouvertes, vous vous rappelez l'histoire, jusqu'à qu'il a dit Shira Ma'alot, oui. Tous les Shira Ma'alot, là. Ah, les 15. Oui, les 15 Shira Ma'alot de son père, les portes du Beth Amikdash se sont ouvertes. C'était un des miracles qu'il avait entendu. Pour montrer que, quand même, le sroud du Beth Amikdash était venu de David HaMelech, quand même. Même que lui-même ne pouvait pas le construire parce qu'il avait ses mains. Bon, combien de temps le Beth Amikdash tient debout, le premier Beth Amikdash, 410 ans. Pendant 410 ans, il y a le premier Beth Amikdash. À la conclusion, avant la destruction du Beth Amikdash, il y a une histoire dans la Gemara de Gittin, à Dav Nun Zayin. La Gemara, elle rapporte une histoire de Nebuzaradan, excusez-moi. Histoire, vous connaissez, tout le monde connaissait qui Nebuzaradan? Ça vient bien. C'est un Iranien. pas trop loin. C'est Babel, Babylone, Irakien. Irakien. Alors, Nebuzaradan, c'était Sar Tabahim, comme ça la Gemara l'appelle. Sar Tabahim. Sar Tabahim fait référence à. Responsable de la. Le Sar Talianim, celui qui tuait les bêtes ou tuait les personnes, etc. Pourquoi il a été appelé comme ça? C'était le Sar Tsava de Nebuchadnezzar. C'était le sergent, oui, de Nebuchadnezzar. Et c'est lui qui est monté à Yerushalayim pour détruire le Beth Amikdash. La Gemara raconte là-bas qu'il y avait un zaken, un vieux, qui avait dit à Rabbi Yeshua ben Kecha qu'il lui a montré un coin et il lui a montré un grand rocher. Et le vieux, le zaken, dit à Rabbi Yeshua ben Kecha, tu vois ce rocher? Sur ce rocher, Nebuzaradan a tué 2,110,000 personnes à Yerushalayim. Juste sur ce rocher. Et 990,000 tinokot shel Bet Ramban. Les petits-enfants qu'ils étudiaient à la Yeshiva. Ça fait combien? Ça fait déjà 3 millions. Ça, c'était juste à cause d'une petite histoire. Qu'est-ce qui est arrivé dans l'histoire? Dans l'histoire, il y a une histoire de Zecharia. Ne pas mélanger avec... Il y a Zecharia qui était un des 12 derniers prophètes. Quand on regarde dans les prophètes, les premiers prophètes et les derniers prophètes s'appellent Tréassa. Les 12 derniers prophètes, il y a un Zecharia ben Brachia. C'est pas celui-là. Il y a un autre Zecharia. Il y a un Zecharia qui était le fils de Yehoyada Kohen Gadol. Ce Yehoyada Kohen Gadol, il était au temps de Yoash, le roi de Yehuda. Tout ça se passe tous dans le temps du premier Beit HaMikdash. Yoash, c'était un roi que, après que Yehoyada Kohen Gadol, le grand Kohen, est décédé, les gens très importants de Yehuda, de Juda, sont venus et ils ont honoré ce Yoash et ils l'ont traité comme un idole. Et ils se sont prosternés devant lui, etc. Et Yoash a vu que oui, ça lui plaît que les gens se prosternent devant lui, etc. Et il s'est mis comme si c'était un dieu. Zecharia, qui était le fils de Yehoyada Kohen Gadol, la Torah dans Sefer Divrei Hayamim dit qu'il a eu une prophétie et il a commencé à réprimander les gens qui se trouvaient à Yerushalayim et les Hatzilei Yerushalayim, etc. Alors quand les gens ont vu que Zecharia est en train de réprimander, il y a quelqu'un qui a jeté une pierre. Il se trouvait dans la Hazara. Zecharia se trouvait dans la Hazara du Beit HaMikdash. La Hazara, c'est la section dans le Beit HaMikdash où les gens venaient voir la Shrita, etc. C'était une section que les... Une section commune que tout le monde pouvait venir regarder. C'est la place où ils faisaient la Shrita. Juste avant le Mizbeach, où ils amenaient les Korbanot, il y avait une section, la Hazara. Les gens venaient amener leurs bêtes, on faisait la shrita, on voyait comment ils prenaient le sang, comment ils jetaient le sang. Après ça, plus tard, il y a le Kodesh, où ça, c'était juste restricté au Kohanim, et Kodesh au Kodashim, c'était une fois par année, etc. Bref, ils ont tué Zecharia dans la Hazara. À cause de ça, ils les avaient réprimandés, ils l'ont tué dans la Hazara. Qu'est-ce qui est arrivé maintenant? Le sang de Zecharia qui a coulé dans la Hazara, bouillonnait toujours. Parce que Zecharia, juste avant de mourir, il avait dit à Hachem qu'il se rappelle de lui et qu'il reprend vengeance de sa mort. Alors, le sang bouillonnait toujours dans la Hazara. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont jeté de l'eau, ils ont mis une pierre, ils ont mis rien, le sang bouillonnait toujours. Toujours. Jusqu'à que Nebuzaradan est venu, ça c'est quand même peut-être 200 ans plus tard, Nebuzaradan il vient à Yerushalayim pendant 200 ans, le sang de Zecharia dans la Hazara est en train de bouillonner et personne ne peut rien y faire. De l'eau, du sable, rien du tout. Ça n'arrête pas. Nebuzaradan, il vient à Yerushalayim pour détruire Yerushalayim. Et il a tué ces enfants-là, ces 3 millions de personnes. Et c'est le sang de toutes ces personnes a formé, la Gemara dit, une rivière qui arrivait jusqu'au sang de Zecharia. Quand Nebuzaradan voit le sang, il dit... C'est quoi ça? Pourquoi ça bouillonne ici? Il demande au Kohanim qui se trouvait dans la Hazara. Et lui a dit, c'est rien, c'est du sang des sacrifices qu'on amène des différentes bêtes ici. Il a dit, ah oui, ok, amenez tous les bêtes. Ils ont commencé à égorger des bêtes, etc. Et ils voient que non, ça ne fait pas la même chose, pas le même effet. Alors Zardin leur dit, écoutez, si vous ne me dites pas c'est quoi, tous, je vous tue tous maintenant. Vous allez me dire c'est quoi ? Ils ont dit, qu'est-ce qu'on va te dire ? Il y avait ici un prophète, c'est un tzadik. Et les gens l'ont tué parce qu'il les a réprimandés. Alors qu'est-ce qu'il fait, Nebuzaradan ? Il leur dit, il faut avoir vengeance pour ce sang. Oui ? Il leur demande comment il s'appelait le prophète. Il lui dit Zecharia. Il lui dit c'était qui, le fils de qui ? C'était une personne quand même très sainte. Nebuzaradan, il décide, bon, ok, amenez tous les bachourim de l'Eshivot. Et il commence à les égorger, un par un. Amenez toute la Sanhédrin. Et il commence à les tuer. Sur le sang de Zecharia. Et il voit que le sang, il continue à bouillir. Lui, qu'est-ce qu'il veut faire, Nebuzaradan ? Il veut rectifier ce qu'ils ont fait à Zecharia. Mais il voit que la Gemara a dit des centaines de milliers de personnes, il a égorgé dans la Hazara. Ça, je vous dis, Tisha B'Av, malheureusement, c'est une journée qui était des centaines de millions de juifs qui ont été morts pendant Tisha B'Av. Et ça, c'est juste une histoire de Nebuzaradan. Et Nebuzaradan, à un bout de moment, lui-même, il devient fatigué. Il demande Zecharia, Zecharia. J'ai tué déjà les meilleurs du peuple juif. Comme, est-ce que tu veux que je tue tout le monde jusqu'à que tu arrêtes de bouillonner, jusqu'à que ton sang arrête de crier? Et là, le sang arrête. Arrête de bouillonner. Ce qui est incroyable, c'est que ce Nebuzaradan, il se dit, la Gemara dit, Nebuzaradan, il a décidé de voir. Il commençait à faire des pensées de faire tu vois, ce Nebuzaradan. Et ce Nebuzaradan, il dit, comment est-ce que c'est possible? Imaginez-vous, si une personne qui a tué une seule personne va être punie et son sang va être demandé de la vengeance pendant des centaines d'années. Imaginez une personne comme moi, il se dit, moi je suis grillé, je suis fini. Oui, imaginez-vous aussi, Zecharia pour une seule personne. Mais Zecharia c'est un tzadik, lui c'est pas un tzadik, il a tué tout le monde. Oui, mais lui, il a tué les tzadikim aussi. Il a tué les rochers Sanhedrin. Il a tué les rochers Sanhedrin. Alors, si le sang de Zecharia, tout ce temps, demande d'être vengé, imaginez-vous tout le sang de tout ce que j'ai tué. Et la Gemara a dit qu'il a décidé de quitter la guerre, en plein milieu de guerre. C'était le sergent, le grand sergent de Nebuchadnezzar. Il retourne à la maison, il se convertit. Il se convertit et il fait tchouva. Il s'accepte. Et là, la Gemara a dit Bnei Banav, Bnei Banav. Ils étaient en train d'étudier de la Torah à Bnei Brak. Ses petits-fils étudiaient la Torah à Bnei Brak. Bon, quand je dis Bnei Brak, ce que la Gemara appelle Bnei Brak, c'est pas nécessairement le Bnei Brak qu'on connaît aujourd'hui en Eretz Israël, pas nécessairement. Ça peut être dans le même coin, etc. Mais ce n'est pas nécessairement le coin. Et c'est incroyable que le... Et bon, bref, Nebuchadnezzar devait finir le travail sans Nebuzaradan parce qu'il s'est enfui. Mais juste pour vous dire, le Tisha B'Av, c'était une journée catastrophique. Excuse-moi, c'est un peu déprimant toutes ces histoires-là, mais c'est le temps d'en parler. Oui, c'est le temps de Tisha B'Av, malheureusement. On va parler des bonnes choses. Maintenant, je vais vous dire juste un petit peu des histoires. Ça, c'était le premier temple. Ça, c'était au premier temple. Le premier temple est plus tard détruit au Beth Amikdash. La raison qu'on parle de ça aussi, on a parlé Shabbat, on a raconté l'histoire, hein, monsieur Kedoshim, l'histoire avec Jérémie, le prophète Jérémie. Oui, que quand ils sont rentrés, il y a une histoire dans Olat Tamid qui raconte avec Platon. Que Nebuchadnezzar est venu à Yerushalayim avec Platon, le philosophe. quand ils sont rentrés à Yerushalayim, ils ont vu c'était qui le grand prophète? Yirmiyahou, Jérémie, celui qui a écrit Megillat Echa, qu'on connaît, qu'on lit chaque année. C'était le prophète Yirmiyahou, celui qui avait vu la destruction du premier temple. Et il le voit pleurer en train de lamenter, etc. Et il lui demande qui tu es, etc. Je suis Yirmiyahou. Il lui dit, toi tu es Yirmiyahou, le grand prophète, etc. Tu pleures sur des pierres. C'est juste un bâtiment, c'est bon. Pourquoi tu pleures pour des pierres? Et en plus, une personne intelligente comme toi ne pleure pas sur le passé. C'est fini. Si tu peux pleurer, tu peux rien y faire. Alors, Platon lui demande, et toi, tu es qui? Il lui dit, excusez-moi, et Jérémie lui demande, toi, tu es qui? Il lui dit, moi, je suis Platon. Il dit, ah, c'est toi c'est toi qu'on dit un grand philosophe, etc., qui est appelé le... Il lui dit, effectivement, c'est moi. Il lui dit, demande-moi n'importe quelle question que tu... Je suis sûr que dans la philosophie, tu es resté avec certaines questions sans solution, oui. Tu es Platon, mais quand même, tu ne peux pas avoir des réponses à tout. Même le plus grand philosophe, il reste avec des questions. Je lui dis, effectivement, oui, bien sûr, j'ai des questions que je n'ai pas de réponse. Alors, Jérémie, Yirmiyahou lui dit, demande-moi ce que tu veux. Toutes les questions que tu as, demande-moi. Alors, il lui demande première question, et une par une, Yirmiyahou lui répond. Platon, il restait avec la bouche ouverte. C'est impossible. Et il le touche, il lui dit, c'est pas un être humain, tu es un ange, tu as une intelligence divine, c'est impossible. Est-ce que tu es sûr que tu as une mère, tu as un père? C'est impossible. Il lui dit, il y a quelque chose de divin en toi, c'est pas juste. Il lui dit, les pierres, c'est la chose divine qui se trouve en moi. C'est pour ça que je pleure. Ces pierres-là, toute la divinité qui se trouvait dans le peuple juif, la Kdusha, qui se trouvait dans le peuple juif, ça vient. Toute la sagesse vient de ces pierres. Maintenant, toute cette grandeur du temple n'existe plus. Alors je ne veux pas pleurer. La source de ma divinité, la source de ma sagesse, la source de notre joie n'existe plus. Alors bien sûr que je veux pleurer. Et pour répondre à ta deuxième réponse, Yirmiyahou lui dit, je ne pense pas que tu peux comprendre. Alors les commentaires disent, qu'est-ce qu'il voulait dire qu'il ne pouvait pas comprendre? Il dit qu'en se basant sur la Gemara de Tanit, elle dit, celui qui va lamenter, kol ha mitzta'er al churbana shel bet amigdash, celui qui va lamenter la destruction du temple, va voir sa construction. Alors, Yirmiyahou lui dit, je pleure maintenant, même que c'est le passé. Mais parce que je la monte maintenant, c'est ça qu'est-ce qui va amener la construction du Beth Amikdash. Ça veut dire la montée. On ne va pas s'asseoir ici, on ne va pas commencer à pleurer. Oui, il faut faire. Le peuple juif, on a une religion d'action. C'est pas une religion, contrairement à beaucoup d'autres religions. Oui, c'est pas une religion. Bon, il y a des religions beaucoup plus spirituelles, méditation, etc. Notre religion, elle demande des choses pratiques, les détails. Mais, Dieu se trouve dans chaque détail dans notre vie quotidienne. C'est pas juste un Dieu qui est assez ésotérique, qui est non, c'est un Dieu dans les choses pratiques. Alors certainement que nous, on ne va pas s'asseoir ici et commencer à juste pleurer et s'asseoir. Non. Ce qu'on demande de nous, c'est... Ça veut dire que lamenter la destruction du Beth Amidah, ça veut dire reconnaître et sentir le manque du Beth Amidah. Que c'est une chose qui nous manque. C'est pas une chose qui est dans le passé, etc. C'est une chose qu'on devrait demander à Kadosh Baruch Hu chaque jour qu'il construit. Qu'est-ce qu'on dit à la conclusion de chaque prière? Si on regarde le Shemona Esrei, tout le Shemona Esrei, ça part de la construction du Beth Amidash, du temps de Mashiach. Mechaye Metin, Bone Berushalayim, Tzemar David Atzmiach. Oui? Al Tzadikim, Al Chassidim. Vous venez à Yerushalayim. C'est tout, toute la prière. Et à la conclusion, qu'est-ce qu'on dit? Toute la prière du Shmona Esrei est pour la, le venu du Mashiach, le venu de la construction du Bet Amigdash. Alors, lamenter, ça veut dire reconnaître et sentir le manque. Qu'est-ce qui nous manque dans le Bet Amigdash? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et on va parler à la conclusion du Shiur. Qu'est-ce qu'on doit faire pour la construction du Bet Amigdash. Bon, bref, après la destruction du Bet Amigdash, du premier Bet Amigdash, on a 70 ans de l'exil de Babel, de Babylonie. Oui, 70 ans. Le peuple juif sont 70 ans en exil. Après 70 ans, qu'est-ce qui arrive? Le miracle avec Mordechai et Aman. Oui, on sait toute l'histoire de Achashverosh. Pourquoi Achashverosh avait été puni? Parce qu'il a fait un mauvais calcul. La Gemara de Megillah, elle dit, il a fait un mauvais calcul. Qu'est-ce qu'il a calculé? Il avait fait oh, c'est ça. Il a appris d'une prophétie de Yirmiyahu qu'après 70 ans. Alors il a fait un calcul. Il a dit, voilà, 70 ans ont passé. La prophétie n'est pas arrivée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Il a sorti les habits du Kohen Gadol. Il s'est habillé avec les habits du Kohen Gadol. Il a commencé à faire la fête, etc. Oui, on sait que il avait fait la fête pendant 180 jours. Oui, c'était un party. Comment on dit un party? Oui, party animal. Ouais, c'était. Il a fait la fête 180 jours. Et les 14 derniers jours, le 7 derniers jours, il avait fait juste pour sa ville, à Shushan. Mais quoi, il a fait pour sa ville? Il est sorti habillé avec les habits du Kohen Gadol. Les habits du Kohen Gadol qui rentraient au Beth Amikdash. À Kodesh Kodashim! Parce qu'il avait mal calculé. Il a dit, ah voilà, puisque la prophétie n'existe pas, voilà, on va commencer à faire la fête, on peut mettre les habits. Quand les juifs qui étaient dans la Séouda l'ont vu, la Gemara dit, ils étaient choqués. Ils ont laissé les habits du Kohen Gadol. Qu'est-ce qu'on fait dans cette Séouda? Et ils ont commencé. Et là, tout le miracle de Pourim se déroule. On connaît tous l'histoire. Aman et Vérin. 70 ans, Esther se marie avec Achashverosh et ils ont un fils qui s'appelle Darius, Dariavesh en hébreu. Darius, qui est le fils de Esther et de Achashverosh, donne la permission au peuple juif de reconstruire le deuxième temple. Alors, qu'est-ce qui arrive au temps du deuxième temple? Les juifs, comme vous pouvez imaginer que nous on est éparpillés, et ils sont éparpillés 10 000 fois plus que nous. Beaucoup d'entre eux, juste pendant 70 ans, on est pas mal quand même. Nous, ça fait plus que 2000 ans, Baruch Hashem, on continue. Ouais, il y avait certains qui ne savaient pas lire l'hébreu. Ils ne connaissaient plus les prières. Ils ne connaissaient plus les halakhot. Il y avait un très grand mélange de juifs et non-juifs ensemble avec les Kohanim, etc. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Il y a Nehemia qui avait des connexions avec Darius, et c'est lui qui fait tous les rencontres avec Darius, avec la Perse, l'appui de la Perse, et il monte à Babel pour voir Ezra Asopher. Ezra se trouvait en Babylone, en Irak, et la plupart du peuple juif dans ce temps-là aussi, ou une moitié au moins du peuple juif se trouvant à Babylone. Et il demande à Ezra de monter avec lui. Ezra, c'était un géant de la Torah. Et il lui dit, ok, je peux monter, mais je ne peux pas monter tant que mon maître, le maître de Ezra, est encore en vie. Je ne peux pas le quitter, ce n'est pas kavod. Bref, le maître de Ezra décède. Et Ezra monte avec une grande partie du peuple juif, avec les Kohanim et les Lévim, etc. Et ils montent au deuxième Beth Amikdash pour reconstruire le deuxième Beth Amikdash. Et ils forment les Anshe Knesset Agdola. Vous connaissez tous, vous avez entendu ce mot dans le Pirkei Avot. Oui, Moshe Kibel Torah Misina, Mazra les Jeux, Veshua les Eskenim, Eskenim. Passoit l'Anshe Knesset Agdola, la grande assemblée. La grande assemblée, c'est tout ce qu'on a aujourd'hui, hein. Tout ce que vous pouvez imaginer qu'on a dans notre dans nos coutumes, dans les halakhot, c'est basé sur ce que les Anshei Knesset HaGdola nous ont donné. Les Anshei Knesset HaGdola nous ont donné les brachot. Avant, il n'y avait pas exactement comment faire une bracha. Chacun faisait une bracha de la façon qu'il pouvait faire. Il n'y avait pas Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Alam Michia, etc. Ça, c'est toutes les brachot d'Anshei Knesset HaGdola nous ont donné. Ils nous ont donné un sidour. Les Shmona Esrei brachot. Les halakhot très communs dans le Shulchan Aruch, dans la vie quotidienne, sont basés sur Anshei Knesset HaGdola. Anshei Knesset HaGdola, c'était une assemblée de 71 chachamim, que parmi eux, il y avait les trois derniers prophètes dans le peuple juif, qui est Haggai, Malachi et Zecharia. Haggai, Malachi et Nehemia. Les trois derniers prophètes qu'il y avait dans le peuple juif. Bon, ça prend... Il y a une très grande... une très grande guerre entre les Samariens, comment on dit, Samaritains. Très guerre entre les Samaritains qui sont contre que le peuple juif va construire maintenant le deuxième Beth Amidash, etc. Ils sont contre, mais à la fin du compte, Baruch Hashem, il y a Shubaku, leur laisse construire le deuxième temple. Qu'est-ce qui arrive au milieu du... à l'époque du deuxième temple, la guerre de l'histoire de Hanouka. D'ailleurs, on sait dans le calendrier juif, Hanouka il vient avant Purim, mais dans l'histoire, Purim est avant Hanouka. Selon les mois, Purim, excusez-moi, Hanouka tombe avant Purim, parce que ça c'est à Kislev et ça c'est Adar. Mais sur l'ordre de l'histoire chronologique, Purim est arrivé avant Hanouka. Purim, c'est avant le deuxième Beth Amikdash, tandis que Hanouka, c'est pendant le deuxième Beth Amikdash. On connaît toute l'histoire avec les Grecs, etc. Qu'est-ce qui arrive? Il y a un grand miracle avec les Maccabim. Oui, les Maccabim, c'était tous des Kohanim. Oui. Les Kohanim font la guerre contre les Grecs, ils gagnent la guerre, etc. Ce qui arrive... Une partie triste de cette histoire de Hanouka, que beaucoup d'entre eux, peut-être les Hashmonaïm, oui. Les Hashmonaïm sont devenus aussi les rois. Comme des rois. Ce qui a causé un problème. Oui. Parce qu'ils sont du tribut de. Kohanim. Lévi. Les Kohanim ne peuvent pas devenir des rois. Non. Alors, si on regarde en détail les guerres qu'il y avait pendant ce temps-là, vous ne pouvez même pas imaginer. Entre les Hashmonaïm. Ça a commencé les Hashmonaïm. Les Hashmonaïm deviennent les rois, deviennent la souveraineté totale à Yerushalayim, etc. Ce qui importe beaucoup de guerres entre eux, des frères, des cousins, etc. Ça n'a pas arrêté pendant en moins 100 ans. Juste des guerres, et des guerres, et des guerres, et des guerres, et des guerres. C'est une partie triste de l'histoire de après l'histoire de Hanouka. À la fin, qu'est-ce qui arrive? L'histoire avec Hérodus, vous avez. Hérode. Vous savez, on a tous entendu de Hérode, non? Alors, Hérodus, c'était une punition, si on veut. La Gemara a dit qu'Akash Bokhu avait puni les Hashmonaïm d'avoir pris la place de royauté en du peuple juif. Qu'est-ce qui arrive? Hérodus, c'est un esclave qui travaillait pour les Hashmonaïm. Hérodus, on voit la Gemara à Baba Batra, elle raconte qu'il entend une voix et il lui dit: n'importe qui, quel esclave qui va se rebeller contre les Hashmonaïm va réussir. Et il entend ça plusieurs fois jusqu'à que vraiment il décide, il se lève et il massacre tous les Hashmonaïm. Un décret. Et il a laissé une de Hashmonaïm qui voulait se marier avec elle. Bon, elle, certainement, elle voulait pas se marier avec lui. Pourquoi il voulait se marier avec elle? La Gemara dit que parce que c'est une princesse quand même. Les Hashmonaïm, c'était des gens, c'était des nobles, etc. C'était des gens très importants. Alors au moins, ils vont pas le prendre pour un esclave. Il est marié avec une princesse. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle décide de se suicider. Elle monte au toit du Beth Amikdash, de la Hazara. Elle monte au toit et elle crie. N'importe qui viendrait, elle crie au public, qui viendrait et vous dirait que je suis de la maison des Hashmonaïm, sachez que c'est un esclave. Et elle tombe du toit, elle meurt sur place. Parce que les Hashmonaïm, ils étaient très fermés, ça veut dire ce n'est pas des éléments mélangés avec le peuple. Alors, dans leur propre place, ce n'est pas nécessairement qu'ils savaient qui étaient les Hashmonaïm, qui n'étaient pas les Hashmonaïm. Bon, bref, la Gemara, elle continue là-bas, elle dit que lui, puisqu'il était tellement amoureux de elle, qu'il l'a trompé, il a submergé dans de l'huile pour la préserver, cette princesse de Hashmonaïm. Et ce Horodus, il va partout avec ce cadavre, en public, etc. Il était un petit peu... Ouais, il n'était pas normal. Ah, c'est ça. Dans les livres d'histoire, Horodus, Hérode est pris comme un roi qui est un petit peu fou, si on veut. Il a été schizophrénique, etc. Beaucoup de problèmes. Mais bon, la Gemara, elle dit quand même, c'est un peu gênant de le dire, mais la Gemara le dit, qu'il avait des relations avec elle, même qu'elle était morte, etc. Bon. Il y a une opinion qui dit qu'il y a une opinion qu'il dormait avec elle, etc. Des choses assez bizarres. Avec Horodus. Et c'était pendant des années, hein. Il avait submergé cette fille dans de l'huile pour préserver son corps, etc. Et pour lui mettre du parfum. Et il marchait avec elle dans la rue, etc. Comme si elle était vivante. Ouais, c'est assez... on croit qu'aujourd'hui on est avec des gens qui sont fous. Ouais. Voilà, avant ils étaient encore plus fous. N'oubliez pas que aujourd'hui, nous, on est calme. On est normal comparé. Ils sont malades. Oui, ils n'avaient pas Facebook et tout ça pour s'amuser, il fallait trouver autre chose. Bon, ça c'est assez ablant. Bon, bref, c'est pas encore fini. Horodus, il commence à être. Il avait un grand problème de paranoïa. Et il pense que les Chachamim vont se révolter contre lui, parce que ils vont se révolter contre lui, et ils vont causer le peuple, il veut devenir roi, Horodus, oui. Il va les tuer tous. Il décide de tuer tous les Chachamim. À part un, qui est appelé Baba Ben Bouta. Baba Ben Bouta, c'était un très grand sage. Bon, il y a plusieurs autres histoires avec lui. Baba Ben Bouta, c'était un géant. Et l'histoire là-bas, elle dit que Horodus lui a mis un casque sur Baba Ben Bouta et il lui a crevé les yeux. Bon, il y a toute une histoire là-bas, comment il lui a crevé les yeux. Pas entrer en détail, mais il ne voulait pas que Baba Ben Bouta puisse avoir l'opportunité de se rebeller contre lui, etc. Alors, Baba Ben Bouta, il devient le... esclave. Excusez-moi, c'est assez. Je vous raconte, c'est des petites histoires qui concernent la décision. C'est le temps du. Bref, Baba Ben Bouta, il devient le, si on veut, consultant de Hérode, et il lui demande ses opinions, etc. Pour voir. Avec les yeux crevés. Avec les yeux crevés, etc. Le casque. Très bizarre. Bref. Bref, puisqu'il ne peut pas voir, maintenant qu'il a les yeux crevés, Baba Ben Bouta, alors Horodus essaie de le truquer, la Gemara elle dit. Là-bas, elle dit que Horodus il vient à côté de lui et lui dit si tu vois ce roi-là, il est vraiment horrible ce roi-là, etc. Il est méchant, il est truc, il commence à parler mal du roi. Et Baba Ben Bouta ne sait pas exactement que c'est lui, mais il dit que. Il y a un verset qui dit Gam bechadre chadim loteor et amener. C'est-à-dire, même dans ta chambre privée, il ne faut pas insulter le roi. Même si le roi il n'est pas bien, etc. Il ne faut pas. La malchoute, c'est la malchoute. dit, mais tu as vu qu'est-ce qu'il a fait? Il continue, hors 12, mais tu as vu qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça. Il lui dit, je ne peux pas parler parce que même si on parle, etc., c'est un rachat. Et... Parce qu'Or Douce lui dit, oui, mais on ne peut pas parler d'un roi, un roi qui fait du bien, mais un roi qui fait du mal. On peut, il faut le maudire. Maudis-le, il lui dit, maudis le roi. Il lui dit, non, Gam qui a offi, offi, fait ta colle. Il lui dit, l'oiseau, il va prendre la voix, et le roi, et ça va revenir au roi. Et il essaie de ce côté, jusqu'à qu'il voit que ça, il va pas le maudire. Rodos, il se dit, si je savais que tous les Khamim étaient aussi sages que toi, je les aurais jamais tués. Lui aussi, il veut faire, tu vois, maintenant. C'est intéressant. Nebuzardan, il avait tué des millions de Talmidei Khamim, des Roches Sanhedrin, à la fin, il fait, tu vois. Rodos, après qu'il réalise que Baba Ben Bouddha, c'est une intelligence incroyable, il se dit la même chose. Si j'aurais su que les Khamim ils étaient aussi intelligents que toi, je les aurais jamais tués. Il lui dit, maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Comment est-ce que je vais rectifier ce que j'ai fait? Alors, Baba Ben Bouddha, c'est intéressant, les Khamim ils ont une autre façon de voir toutes les choses. C'est quelque chose de... Baba Ben Bouddha lui a dit, écoute, tu as Kibeta et Oroche l'Olam. Tu as éteint. Oui. Tu as la lumière du monde. Il lui a dit qui bêta est Oroche l'Olam, tu as éteint la lumière du monde, qui est les Chachamim, la Torah, la lumière. Maintenant, il faut que tu rallumes cette lumière. Comment est-ce que tu rallumes cette lumière? Il a dit, il faut que tu reconstruives le deuxième Beth Amigdash. C'est-à-dire le pas reconstruire, mais l'embellir. Et Horodus, il prend ça vraiment au sérieux et il commence à vraiment faire. La Gemara a dit, c'est Michel Ora'a et Binyan Binyan Horodus Miamav, Ora'a, Simcha, etc. La Gemara, elle donne beaucoup de louanges, des compliments à ce bâtiment de Horodus. Le Khamim, il disait, quand on regardait le bâtiment, il avait une lumière, il avait une couleur qui avait quand même une couleur du ciel, etc. Il voulait le couvrir en or. Les Khamim lui ont dit non, laisse ça de cette couleur parce que avec le blanc, ils avaient utilisé une pierre qui était un petit peu blanche, un petit peu turquoise. Et alors les Khamim lui ont dit non, laisse-le comme ça, ça les fait rappeler du ciel. Vichanu libam la shamayim, etc. Ils vont servir Hashem. Et cette histoire, elle finit comme ça, que vraiment Or Douce. C'est d'ailleurs beaucoup des bâtiments, jusqu'à présent, qu'on trouve à Kessaria, même à Yerushalayim, cette pierre-là qui s'appelle Evin Yerushalmi, c'est venu de Or Douce. C'est pas le même Hérode. Hérode que du temps de Romain. Oui. C'est pas le même. Oui, bien sûr. Non, c'est pas le même que du temps des Romains. C'est au temps des Romains. Non, c'était le temps des Grecs. Après, le temps des Grecs. Le temps des Hashmonaïm, c'était un temps des Grecs. Et Hérode, il devient. Hérode des Romains, c'était beaucoup de temps après. Après quoi? Oui, c'est. Après ce premier Hérode. Il y a eu deux. Je crois que c'est un petit-fils. Ou... Parce que Hérode, il y avait un Hérode. Hérode, c'est. Les Hashmonaïm, c'est. Après les Hashmonaïm, il y avait encore 200 ans environ du temple. Oui, c'est-à-dire qu'après toute l'histoire de Hanouka, l'histoire de Hanouka se déroule 200 ans après que le deuxième Beth Amikdash, environ 200 ans que le Beth Amikdash a été construit. Et le deuxième Hérode, c'était durant la destruction du temple des Romains, le deuxième temple. Mais il est mort avant. Hérode est mort avant la destruction parce qu'il s'est enfui. Hérode, il s'est enfui à Metsada. En français, comment on dit Metsada? C'est Masada. Masada. Jusqu'à maintenant, vous êtes parti à Masada? Oui. Tout ce qu'il y a là-bas, c'est Hérode. C'est Hérode qui avait construit tout. Il s'est caché. Si vous êtes monté sur Masada, jusqu'à maintenant, vous pouvez voir les rangements des encampments, comment les Romains ils ont contourné Hérode complètement. Mais c'était les Hachmonaïm, 200 ans, les Hachmonaïm ils ont duré presque 100 ans. Ça veut dire 300 ans déjà du temps du deuxième temple. Et là Hérode il vient dans toute l'histoire. Hérode il règne pour plus que des dizaines d'années. Il s'enfuit à Massad et le temps des Romains qui détruit le deuxième temple. La destruction du deuxième temple est le sergent qui avait détruit le deuxième temple, il s'appelait Titus. Même son histoire est ramenée aussi dans la Gemara de Gittin. Ce Titus, il avait un juif qui était avec lui, il s'appelait Yosef HaKohen, qui est connu dans l'histoire, même chez les Romains, etc. Josephus Flavius. Vous avez sûrement entendu. Oui, il y a un livre sur lui. C'est pas un livre sur lui, c'est lui qui a écrit un livre. Oh, ouais. Bon, il y a une différence d'opinion concernant nos sages, les Chachamim, si on peut se relier sur son livre de Yosifun. C'est un livre, en hébreu ça s'appelle Yosifun. Plus ou moins c'est un livre d'histoire de Adam Arishon jusqu'à la construction destruction du deuxième temple. Pourquoi il y a une différence d'opinion sur cette personnalité qui est Yosifun? Parce que si vous lisez un jour le livre, au moins que vous arrivez au 80e chapitre jusqu'à la fin du livre, ce Yosef HaKohen représente Titus comme un homme bien, si on veut, qui ne voulait pas détruire le Beth Amikdash. C'est un peu contradictoire quand on regarde dans la Gemara, etc. On peut voir que c'est un petit peu contradictoire. La Gemara appelle Titus Aracha, etc. Selon Yosef HaKohen, ce Yosifus Flavius, Titus est devenu ce Racha après qu'il avait commencé à détruire le deuxième Beth Amikdash. Mais non, qu'est-ce qui est impressionnant? D'ailleurs, pourquoi les autres opinions disent que non, on peut se relier sur Yosifus, etc. Parce que Rachid lui-même, dans plusieurs fois, il fait référence à ce livre, Yosifun. Le Tosfot aussi font référence à ce livre. Alors si Tosfot et Rachid ont fait référence à Yosifun, on ne peut pas dire qu'il y a quelque chose de pasoul. C'est un livre d'histoire, l'histoire. C'est des faits. Yosifun se présente devant le Beth Amidash, que Titus vient, pas détruire, mais selon lui, il vient conquérir Yerushalayim. Dans ce temps-là, à Yerushalayim, il y avait un groupe qui s'appelait les Birionim, ou les Giborim. Il y a différentes comment on les appelle, mais ça fait. Ils ont commencé? Hein? Non, ça, ils ont commencé. On reprend en paix. Okay. On reprend en paix. Faut finir. Comme vous voulez. Il n'y a pas grand-chose. Bah oui. Trop allongé. Déjà, c'était. Bon, bref. Alors, ce Yosef HaKohen, il se présente. Je suggère à n'importe qui veut vraiment. Bon, on peut faire un film assez incroyable avec juste l'histoire quand il se trouve en face du muraille du Beth Amikdash et là, ils sont avec Titus. Et les Birionim, vous n'arrivez pas à croire l'histoire que Yosifun lui-même. Mais non, Yosifun, ce n'est pas une personne qui est en faveur des Romains. Il n'est pas nécessairement en faveur des Birionim. Les Birionim qui étaient contre les Chachamim. Qu'est-ce qu'ils voulaient les Birionim? Les Birionim ne voulaient pas être sous la souveraineté des Romains. On ne veut pas. On veut sortir en guerre. Les Chachamim, pas nécessairement. Ils vont nous laisser le Beth Amikdash. On va avoir le Beth Amikdash. On aura les Chachamim, etc. Pendant des générations, le peuple juif, ils ont passé sous différentes souverainetés. Ils étaient sur ça, en dessous des Grecs, etc. Pour les Chachamim, ils ne voient pas ça comme un très grand problème. Les Birionim, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont fermés maintenant tous à Yerushalayim. Titus se trouve avec une armée énorme. Des Romains, de tout, parce que Rome avait acquis le monde entier. avaient conquis le monde entier. Alors ils avaient des soldats de la Perse, de d'ici, ils sont venus par des centaines de milliers, avec des bateaux, etc. Maintenant, ils n'arrivent pas à créer, ils n'arrivent pas à rentrer les murailles, ils n'arrivent pas à créer une brèche dans les murailles. Ils n'arrivent pas, il y a très très fort, très solide, solidifié, etc. Et il y a les Bironim qui se trouvent sur les toits, etc. Ils n'arrivent pas à rentrer à Yerushalayim. Ils sont entourés de murailles, complètement à Yerushalayim. Et à chaque fois qu'ils tapent, ils leur jettent des pierres, etc. Non, ils n'arrivent pas. Il n'y a rien qui bouge. Maintenant, les Birionim ne veulent pas rester à Yerushalayim. C'est ça le problème maintenant. Les Birionim, les guerriers, ne veulent pas rester à Yerushalayim. Ils veulent sortir, faire la guerre avec les Romains. Tandis que le Chachamim et les personnes honorables de Yerushalayim, qui sont riches, ils ont dit, on peut rester ici 22 ans. Ils avaient assez de nourriture pour rester à Yerushalayim, sans bouger de Yerushalayim, pendant 22 ans. Et ils ont des trésors de blé, etc. Qu'est-ce qu'ils font, les guerriers? Ils brûlent tout. On ne va pas rester ici, on va sortir en guerre. Ben, je vous dis, ils sont restés. Après quelques mois, il n'y avait même pas un rat à Yerushalayim. Ils ont tout mangé. Ils ont mangé les rats aussi. Il n'y avait rien à quoi manger à Yerushalayim. Mais c'était des guerriers. Ils disent qu'une fois, une des guerres qu'ils ramènent, qu'ils sont arrivés 10 000 devant le muraille de Yerushalayim, il y a 100 qui sont sortis des guerriers et les ont tous écrasés. 100 guerriers. C'était des supermans. Genre, vous avez tous vu le film 300, c'est pas un 300 là. Oui, voilà. L'Avdil. Oh. C'était des comme ça. C'était des monstres. Et c'est Yosef. Mais non, c'est pas un livre de fiction. C'est un livre d'histoire. Yosifus Flavius. Toutes ces histoires se trouvent dans l'histoire des Romains. C'est un livre qui est accepté même parmi les non-juifs. Très connu. Bon, Titus, il commence à se décourager. Toute son armée est découragée. Complètement découragée. Ils leur font des coups pendant la nuit. Il leur vient sur le camp. C'était chose incroyable, tous les détails. La fin de l'histoire, elle est... Mais ces Birionim, n'oubliez pas, ces Givorim, ils ne sont pas des... Ils tuaient même chez les Juifs. Ils tuaient des gens des Juifs aussi. C'était des mafieux. C'était des gens qui contrôlaient Yerushalayim par le bras. Tous des Juifs. Ils étudiaient sûrement la Torah aussi. C'était des gens sérieux. Mais c'était des guerriers. Par la loi, etc. C'est pour ça que les Chachamim, ils étaient contre eux. Qu'est-ce qui arrive à la fin? Les gens à Yerushalayim commencent à devenir très faibles. Il n'y a rien à manger. Il n'y a rien. Le livre de Yosifus Flavius finit par une histoire très, très, très, très triste. La première fois que je lis l'histoire, ça m'a mis les boules ici. C'est vraiment... Ça met les larmes aux yeux. Qu'est-ce qui arrive? Une mère que son fils... Les deux, ils n'ont pas quoi manger. Et elle voit son fils mourir. De faim. Et elle encourage. Et ça rentre en détail. Comment elle encourage, comment elle lui parle, etc. Mais à la fin, son fils, il meurt. De faim. Elle a tellement de peine. Elle va rentrer à la maison. Et elle commence à couper son fils en petits morceaux. Et le met dans le four. Elle le met dans le four et elle assaisonne la chair. Allô? Elle assaisonne la chair. Je peux pas te rappeler. Je suis dans la marmite, etc. Je suis dans un cours. Je vous dis. Je te rappelle. Je vous dis, en quelques minutes, en une demi-heure, il y avait une foule autour de sa maison. Ça sentait la viande. Qui avait de la viande? Yerushalayim, il n'y avait rien à manger. Rien, rien, rien, rien, rien, rien. Quand je vous dis rien, il n'y avait même pas une graine à manger. Yerushalayim, il n'y avait rien. Les gens ne mangeaient pas, ça fait deux jours. Les qui sont venus les premiers, les Biryanim. Ils ouvrent la porte. Qui a de la viande ici? Elle a rangé la table. Elle leur dit, asseyez-vous, voilà, j'ai trouvé. Et ils commencent à manger. Et elle leur dit, alors comment il est le bras de mon fils? Et le pied de mon fils ici? Les gens, quoi? Le bras, le pied, le quoi? Elle leur a servi son enfant à table. Et elle en a mangé, non? Non. Elle n'a pas touché. Elle leur dit, voilà. Et ils se sont mis tous à pleurer. L'état qu'ils sont arrivés. Ils ont réalisé eux-mêmes l'état qu'ils se sont mis, les Biryanim. C'était un état lamentable. Bon, bref, à la fin, Rabbi Yochanan, quand il réalise que ça y est, c'est la fin, ils vont tous mourir. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il demande de sortir. Il demande de sortir des murailles. Mais maintenant, personne n'a le droit de sortir. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut parler à Titus, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan, il demande à sortir. Et un de ses neveux, c'était un de ces guerriers-là, mais il avait quand même du respect à son oncle. Et il lui dit, il faut que tu me fais sortir. Il lui dit, écoute, on va faire une histoire comme si tu es mort. On va te sortir dans un coffre. Et voilà. Puisqu'on peut, il y a une halakha. En l'anim et tamet. On ne peut pas laisser un mort à Yerushalayim. Même pour la nuit. S'il y a un mort à Yerushalayim, on l'enterre même au milieu de la nuit. En l'anim et tamet. Même jusqu'à aujourd'hui. Celui qui meurt. Pour ne pas amener de l'impureté à Yerushalayim. Parce qu'un mort, ça amène de l'impureté. Et si un mort qui reste toute une journée, toute la nuit, ça amène de l'impureté à Yerushalayim. Mais Yerushalayim, il y avait toujours, dans le temps du Beth Amikdash, il y avait toujours des corbanotes. Vous voyez, des sacrifices. On ne pouvait pas être impur et amener un corban. On ne pouvait pas rentrer. Ça causait toujours problème. On l'enterrait tout de suite. Bref, ils ont fait ça. Ils ont mis Rabbi Yochanan dans un coffre, etc. Ils arrêtent. X se met à commencer à sortir et les Biryanim crient, tapez-le pour voir s'il est vivant, s'il prétend pas. Alors quelqu'un, le neveu lui crie, non, c'est honteux, oui. Qu'est-ce qu'ils vont dire les Romains, on tape un cadavre, poignarde-le pour voir s'il est encore. Il dit non, c'est pas, jusqu'à que Rabbi Yochanan sort d'un miracle et il arrive jusqu'à le camp des Romains, et il voit Titus. Dès qu'il voit Titus, il lui dit, « Bonjour, mon César. » Titus lui dit, « Moi, tu dois la peine de mort. Pourquoi ?» Il lui dit, « Parce que je ne suis pas César. Tu m'as traité de César. César, il est à Rome. » D'un coup, il y a quelqu'un qui vient en cheval, et lui dit, César est mort, vous êtes allé nommer à César. Titus, il devient, waouh, comment est-ce que vous savez? Il voit que c'est un homme pas régulier devant lui. Et une des choses que Titus lui demande, et que Rabbi Yochanan ben Zakkai demande à Titus, Tenli et Yavne vechachamea. Il lui dit, donne-moi la ville de Yavne et ses sages. Ça veut dire les chachamim. Pour qu'on puisse construire une nouvelle place de Merkaz, un nouveau centre de Torah. Yavne devient le nouveau centre de Torah dans le peuple juif, pour le peuple juif, plusieurs années plus tard. Les commentaires, ils demandent, s'il lui a demandé, il lui a donné trois choses, Rabbi Yochanan. Ça change pas. Ben, deux choses, c'est Yavne et Chachamea, et il avait demandé une refoua pour un des Chachamim qui était vraiment malade. Un docteur. Alors les commentaires, ils demandent pourquoi il n'a pas demandé qu'il ne détruit pas Yerushalayim. Il lui a donné trois choses. Il lui a donné, demande-moi ce que tu veux, je te le donne. Pourquoi il n'a pas demandé ne pas détruire la ville de Yerushalayim? Le commentaire, il dit, Rabbi Yochanan a vu que c'était fini, c'était un décret. Vous pouvez plus. Ils ont été trop loin. C'était très trop loin. Ils ne pouvaient plus rectifier. Lui-même, il a vu qu'il ne pouvait plus. Alors au moins sauver. Parce que Titus sur place, s'il aurait vu la vision de ce que Rabbi Yochanan il avait en vision, il lui aurait jamais donné Yavne. Parce que Yavne a reconstruit tout le peuple juif. Tout le peuple juif, après une destruction du deuxième temple, nous, jusqu'à aujourd'hui, on lui doit énormément. Jusqu'à aujourd'hui, à Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il a reconstruit tous les chachamim de la Mishnah, Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Rabbi Yud, Rabbi Meir Baalanes, c'est tout de lui. Tous les chachamim sont venus après de Yavne. Jusqu'à aujourd'hui, on voit encore le résultat jusqu'à aujourd'hui de Rabbi Yochanan ben Zakkai. La vision de Rabbi Yochanan ben Zakkai 2000 ans plus tard. Le sang de Torah qui a sauvé tout le peuple juif et qui a reconstruit les Chachamim, qui a reconstruit le Avbedin, le Nassi, etc., qui a donné une construction au peuple juif. Mais je dis, c'était pas lui qui avait détruit, il a sorti le Sefer Torah, il l'a. Non, ça c'est. Non, ça c'est pas Titus. C'est qui ça? Ça c'est. En tout cas, c'était un Romain. Antonius. Oui, c'était. Pas Antonius. J'ai oublié le nom. C'était une des choses qui est arrivée à Tisha B'Av aussi. Agmara a dit Khamisha Dvarim, cinq choses sont arrivées. Wow. Une des choses, c'était ce il que. Il a étalé, il a. Il a fait le grave sur le. Oui, il avait fait. C'était une chose. C'était une chose. Vous savez, il y a une histoire dans la Shoah avec les nazis. De toute façon, dans toute l'histoire juive, on voit beaucoup de fois que c'est arrivé, avec qu'ils ont étalé. Très possible. Très possible. Moi aussi, j'ai pensé. Il y a aussi, il y a un autre. J'ai oublié maintenant le nom. Ils ont étalé un Sefer Torah. Le Sefer Torah, il a fait. Il a violé une femme. Il a violé une femme sur le Sefer. Dans le code de la Côte. Très possible. Très possible. Rien lui est arrivé. Non, il a été tué. C'était un décret. Titus, à la fin, sa mort était. Atroce. C'est atroce. Oui. La Gemara, elle dit il y a un moustique qui est rentré. Il y a un moustique qui est rentré dans son oreille, par l'oreille et qui a mangé son crâne. Exact. Ouais. Des choses. C'est-à-dire aujourd'hui. Quand ils ont ouvert, il a été puni. Il a été puni parce qu'il avait une gava. Il a dit ah, ça y est. Détruit le. Oui, t'es sur le bateau et il voulait se battre. C'était la seule chose qui devait finir. Judas, c'était la chose. Chose où les Romains, ils n'arrivaient pas. D'ailleurs, vous savez, toute l'histoire des Gaulois qu'on raconte, à ce qui paraît, ça part de Judas. Oui. C'était la seule résistance contre les Romains. Les Romains, ils ont conquis le monde entier. Judas, c'était quoi? C'était ça. Et ils n'arrivaient pas à conquérir, ils n'arrivaient pas. Oui, ils n'arrivaient pas pro à toute l'histoire de Astérix Obélix, les Gaulois, c'est Judas. Astérix Obélix, oui. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. Oui, parce que la potion magique, c'était la Torah. Et... Ça, je ne sais pas déjà les détails, mais ils disent, parce que la seule résistance était, si vous regardez toute l'histoire, la seule résistance était Yehuda. Judas, ils n'arrivaient pas, c'était un pays, ils étaient tout petits, ils n'arrivaient pas à rentrer. C'est jusqu'à qu'il y avait un décret de Akash Borro qu'ils n'arrivaient pas. Regardez toute l'histoire de Josephus Flavius. Ils ont perdu toutes les guerres contre Israël. Tous, un par un. Avec une armée des millions, ils n'arrivaient pas. Un qui battait une centaine. Moi, ce qui me. C'était des. Là, c'est que ce que vous avez dit, là, je voudrais bien revoir ça, là, avec vous, là. Oui. Vous parlez de 100 millions de personnes. Selon une opinion dans la Gemara. Selon une opinion. Je dis ça. J'ai fait cette remarque. C'est pas une confirmation. Il n'y a personne qui sait vraiment. Mais non, c'était. Si on va c'était, sur la base, si on va c'est, sur la base c'est, de, 12, de 15 millions de juifs qu'il y avait en Égypte, avant que Moïse ne les sorte, il y en avait 12 qui sont morts, 12 millions. 3 millions sont sortis entre les enfants et les femmes et les vieux. Un peu plus que ça. Ouais, 3 millions. Ouais, on parle de 100 millions. Est-ce que c'est des juifs? Des juifs tous. J'ai jamais entendu parler de ça. Il y a une opinion comme ça. Voilà. Et ça soit n'importe quoi, même l'opinion la plus, la moins qu'il y avait dans le temps du premier ou du deuxième siècle, c'était par des millions. Okay, que ce soit 100 millions, c'était 20 millions, 30 millions, 10, 15 millions, c'était un numéro énorme, selon toutes les opinions de la Gemara. Je vais citer quelque chose de très important là, concernant les prières que nous faisons actuellement, oui. Depuis que le Beth Amikdash a sauté. Oui. enfin qui a été détruit. Le premier et le deuxième, d'après mon rabbin, qui est rabbin Ronel, oui. Il dit qu'il y avait 100 juifs par jour qui mouraient. Très possible. Qui mouraient. Et donc, dans le deuxième Beth Amigdash, vous parlez après de le deuxième Beth Amigdash. Après le deuxième Beth Amigdash. Non, au moment du deuxième Beth Amigdash. C'est ça, parce qu'il. Jusqu'à qu'ils ont restauré le. C'est-à-dire, chacun faisait sa prière à sa façon. Chacun faisait sa prière, c'était dans le désordre. Ah, ok, oui. Okay. C'était avant le. Mais j'ai parlé de ça. Ah oui, vous avez parlé de ça. Non, j'ai parlé, c'était l'Anshei Knesset HaGdola. C'est ça. L'Anshei Knesset HaGdola, la grande assemblée, c'est eux qui ont instauré la prière, et puis ça s'est arrêté, cette Gemara. C'est vrai, Singmara. C'est ça. Mais je vais juste finir avec un dernier point, au moins un dernier point positif, parce qu'on a parlé juste de destruction. Oui. La reconstruction. La reconstruction. Alors, en revenant, on avait parlé au début du shiur de la paracha. La paracha, les bordures du Eretz Israël vont être. Il y a le c'est tendre. Le Midrash, il y a le Kouchimoni, il dit que quand Mashiach va venir. Atida Eretz Israël, l'itparais al kol haolam. Que la terre d'Israël va s'étendre sur tout le monde entier. Ça veut dire, tout le monde entier va devenir Eretz Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit très simplement, même dans le temps qu'il y avait les rois, chaque roi, on sait très bien que, par exemple, David Amelech, il avait conquéri Aram Tsova, oui, la Syrie. Il avait fait une guerre. La Syrie, même au temps des Tanaïm, au temps de temps de la Mishnah, la Syrie avait certaines halakha et elle avait une certaine gdusha comme Eretz Israël. Ça veut dire, quelle gdusha? Ils étaient khalav de Maasarot. Maasarot, la récolte, on donne une portion au Kohen. Ceux qui grandissaient en Syrie aussi, elle avait cette halakha, Souria. Elle avait une certaine doucha. Pourquoi? Parce que l'Agmara, elle dit que, et la halakha, elle dit, dans le Rambam, c'est rapporté, le roi, n'importe où il pose son pied, ça devient une partie de Eretz Israël. C'est-à-dire, il pose son pied. S'il fait la guerre, par exemple, c'est écrit dans Sefer Devarim aussi. Ou n'importe où vous allez faire la guerre, et cette partie va devenir Eretz Israël. Quand le Mashiach va venir, tout va être au-dessous de la souveraineté de sa souveraineté, du Melech HaMashiach, parce que le Melech HaMashiach, il va être un roi, il va être un assis, il va être un guerrier, il va conquérir le monde entier. Alors le monde entier deviendra une partie d'Eretz Israël. Alors qu'est-ce qui devient, excusez-moi, alors le Midrash, j'ai connu, il dit comme ça. Le monde entier deviendra Eretz Israël. Eretz Israël deviendrait quoi alors? Est-ce que la Kdusha, elle aura la même Kdusha que Yerushalayim? Ça veut dire, le monde entier devient une Kdusha de Eretz Israël. Eretz Israël. Jérusalem. Elle aura un statut de la Kdusha de Yerushalayim. Et Yerushalayim elle-même aura une Kdusha plus élevée. Que quand Mashiach va venir, on aura cette doucha. Alors il dit, d'ici on comprend pourquoi c'est écrit Tzadka asa Akash Baruch Hu lefazram et bnei Israël ben haumot haolam. Akash Baruch Hu, les gens ils demandent toujours pourquoi tous les juifs ils sont éparpillés partout dans le monde? Pourquoi? Comment est-ce que Mashiach, ou quand le Mashiach va venir, on aura une force que le Chutz La'aretz, qui est considéré en dehors de Eretz Israël, va devenir au roi Yidusha de Eretz Israël? Comment? Par les gens qui se trouvent. Akash Baruch Hu, il a fait, c'était par la bonté de Dieu que Akash Baruch Hu nous a éparpillés par amour. En Syrie, en Maroc, en Pologne, en Russie, que ce soit n'importe où. Et puis on se fait jeter alors. N'importe où. C'est vrai. N'importe où, ce que Hachem il nous place. C'est là-bas le travail du juif d'élever cette place et de rendre cette place une place sainte, que quand Mashiach va venir, cette place va devenir avoir sainteté par les mitzvot qui ont été accomplis par cette communauté, même au Liban. Même au Liban, les mitzvot que les gens ils ont commis pendant qu'on a eu dans cette communauté, on reste cette doucha. Alors je dis une seconde, juste venir sur le point. Notre leçon, j'ai juste dit Liban, c'est fini. J'ai dit Liban, je savais. Alors notre travail, on sait très bien les amis. Ara Lebanon, c'est vrai? Ara Lebanon, il a raison. Ah, on peut plus. Ara Lebanon. Ara Lebanon, ça veut dire parce que c'est une beauté. Une beauté. Blanc comme Ara Lebanon. Alors, le point c'est qu'on reconnaît, on doit reconnaître que notre travail, n'importe où ce qu'on est, on fait des mitzvot, on fait une Torah, c'est tout la vie, l'idée, et mon tamashir. Notre travail ici dans ce monde, c'est pas juste maintenant je fais une mitzvah. Non. Si on fait un travail sans. Quand vous allez au travail, oui, vous avez un but. Oui. Le but ici, c'est toujours Mashiach. Notre travail ici, dans les Torah et Mitzvot, si on ne reconnaît pas le but, si on vous dit, pourquoi vous faites ça, monsieur, etc. Vous lui dites, je sais pas. Pourquoi vous allez au travail? Vous avez un but. Le but, c'est qu'on puisse faire de l'argent, on peut vivre, on peut envoyer nos enfants à l'école, etc. Il y a un but. Je peux poser une question. Oui, les Torah et Mitzvot, juste finir avec ce point. Torah et Mitzvot, c'est très important de toujours se rappeler le but. C'est pour ça qu'on prie trois fois par jour. Et trois fois par jour, on demande que Mashiach se révèle, que notre travail arrive à un but. Il faut reconnaître toujours que le but, que Mashiach va venir, ben ça va être la chaîne de nos jours. Mais ils disent que Mashiach est né à Tishabéa. C'est quoi? Autant de la destruction. Ils disent que Mashiach doit arriver dans les 250 avant le 6000e année. On est en 764. On a dépassé à peu près de 24 ans là. Hein? Et aussi, je voulais soulever ce point parce que j'aime plusieurs fois demander à plusieurs rabbins leur opinion concernant. Lorsque Mashiach va arriver, comment ça va être? Ça va être super. Ça va être super. Mais non. Et il dit, j'ai entendu, je ne vais pas donner de nom, j'ai entendu que chaque juif va avoir 2800 esclaves qui vont travailler pour lui. Ça, c'est des images. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ta vie va être beaucoup plus facile. Tu ne vas pas te casser la tête, aller travailler tous les jours. Ça va être une vie spirituelle. Je suis pas d'accord avec vous, parce que là, je parle d'un très très grand rabbin qui m'a précisé. Je suis pas d'accord avec vous du tout. Il précise, il reprécise que c'est 2800 personnes qui vont. Non, 1800 2800. Et si vous allez avoir juste 2600, vous allez voir. Ça ne dérange pas. Non, mais. Alors, 2800 personnes qui vont travailler pour vous, vous allez étudier. C'est-à-dire, en réalité. C'est des non-juifs qui vont voir une lumière extraordinaire. Alors, je regarde. Je vous dis, moi, je ne veux pas vous dire nécessairement mon opinion. Je vais vous dire ce que le Rambam, il rapporte dans les halakhot de Mashiach. Premièrement, généralement, le Rambam a écrit une higueret. Il a écrit une très grande lettre à une communauté. Et il parle, ça s'appelle higueret triat hametim. Oui. Et ça parle des étapes, qu'est-ce qui va arriver. Selon le Rambam, il y aura, premièrement, et selon beaucoup d'autres opinions, il y a trois étapes de la venue du Mashiach. Premièrement, le Rambam est dit, Olam Keminago Noeg, les premiers 70 ans, le monde va rester exactement comme il est. C'est pas 40 ans. 70 ans, selon le Rambam. Je vous dis ce. Ok, alors moi j'ai entendu 40. Olam Keminago Noeg. Après ça, après. Il peut te donner deux versions différentes. Non, regardez, c'est bien sûr, parce que si je répète une opinion, c'est que c'est pas mon opinion. Dans la Gemara elle-même. Non, ça veut dire dans la Gemara elle-même, il y a plusieurs opinions, c'est possible. Rabbi Yehuda, il dit ça, Rabbi Meir. Alors, ce qui me désole dans cette affaire-là, c'est que on apprend quelque chose, et puis on est déboussolé par un autre montant. Une autre opinion qui fait quand même 30 ans de différence. Oui, ça arrive. Écoutez, alors ça, je vais être précis là-dessus, et c'est pour ça que je suis venu ce soir ici, parce que j'aime les précisions. Alors, moi, je vous répète ce que regardez. Non, c'est pas une question de négocier. Parce que c'est très simple. Ce que je dis pas, c'est que j'entends les livrets Torah, et je capte. Et je capte, et je fais des livrets Torah moi-même, à mes enfants, à mes petits-enfants, à trucs. Donc, je donne des informations fausses. par rapport à quoi? Qui a raison? Okay. Non, non, c'est des opinions. Okay. Ouais, mais c'est des opinions, mais c'est des précisions. C'est pas des opinions, c'est des précisions. Dans la Torah, il y a 70 façons de... d'interpréter chaque chose. Oui. Regardez, je vais vous donner un exemple. Je pourrais jamais faire... Non, je vais vous donner un exemple. Pourquoi pas? Il y a d'autres opinions. Pourquoi pas? Vous pouvez... Ça va être 71. Regardez, c'est très simple. La façon que la Torah, elle marche, je vais vous donner un exemple très très simple. Dans la Torah, c'est écrit Va'achalta ve'savato ve'rachta d'Hashem Elokecha. Oui. Mm. Tu mangerais, tu seras rassasié et tu béniras ton éternel. Alors, il y a deux mots qui sont très clés dans ce verset. Va'achalta ve'savata. Maintenant, quand est-ce que... Ça, c'est la source qu'on doit faire Birkat Amazon. Oui. Va'achalta ve'savata et tu seras rassasié. Maintenant, quand est-ce que je dois faire Birkat Amazon alors? Quand je mange ou quand je suis rassasié? Décidez-vous. Alors Rabbi Yehuda, il dit non. Rabbi Yehuda, il dit l'emphase du verset, c'est sur Va'achalta. Tu as mangé. Tu as mangé. Combien c'est considéré de manger? Eh bien, c'est Kabetza, 56 grammes. On va dire, par exemple, Rabban Gamliel, il dit non. L'emphase, elle n'est pas sur Va'achalta, c'est sur Va'savata. Alors, pour être obligé de faire Birkat Amazon, ce n'est pas assez 56 grammes, il faut être vraiment rassasié. Alors, je vous demande maintenant, qui a raison? On ne peut pas. Et les deux, ils ont un bon point. Le verset, il dit les deux choses. Va'achalta, Va'savata. Alors, chacun a interprété le verset dépendant. Vous comprenez? Alors, et les Chachamim qui disent 40 ans, c'est pas parce qu'ils ont dit 40 ans, c'est comme ça, ils ont amené une source, conversé, etc. Mais non. Les trois étapes. Ouais. Alors je vais vous dire les trois étapes. Les trois étapes, 70 ans, ou 40 ans, ou 50 ans, il y aura un temps que le monde continuera d'exister comme il est. Mais la seule chose, c'est. Mashiach, il va être là. Il va reconnaître le Mashiach, le monde. Il va être là, il y aura plus de. On ne pourra plus faire tchouva, il n'y a rien, c'est fini, c'est Yemota Mashiach, c'est fini. Celui qui était, c'est lui, c'est fini. Alors, ma question sur ça de Mashiach, quand il va être là, pendant 70 ans, je m'excuse. Oui. Est-ce que le monde va continuer de la même façon? Exactement. Les loyers, les taxes, les ceci, les cela, c'est ça ma question. Est-ce que le monde va changer? Le Rambam, il dit Olam keminahago noeg. Vous prenez les mots? Un petit peu. Olam, kemin hago, le monde continuera à sa coutume. C'est ça. Olam, okay. Kemin hago noeg, alors je comprends que le monde va être la même chose, il y aura un gouvernement, etc. Après cette époque-là, Mashiach, tout le monde va commencer à servir Dieu, même les gens juifs. Et Kulam et Avdou et Chabishrem et Chad, etc. Maintenant, il y a la Gemara, c'est rapporté qu'il y aura. Le pain va déjà grandir de la terre, déjà prêt. Glouskaot, Vatimatse, Zahav, et l'or va être comme du sable, et les diamants, etc. partout. Mais le Rambam me dit, les gens ne vont pas donner d'importance à ces choses-là. Même s'il y a 2800 esclaves, les gens, l'oirtu el la'avod et akashbachu bilvat. Tout le monde voudra juste servir Dieu. Parce que, Jusqu'à maintenant, même que naturellement, les choses spirituelles devraient prendre beaucoup plus d'importance à nos yeux que les choses physiques. Mais on voit que ce n'est pas comme ça. On voit que les choses physiques prennent beaucoup de fois une précédence aux choses. Même que, si on pense un petit peu, on va arriver à une réalisation qu'on sait que les choses physiques, c'est juste pour maintenant, etc. On sait que les choses spirituelles sont beaucoup plus importantes. Mais dans ce monde qu'on se trouve, on ne le ressent pas toujours. C'est pas comme ça. On ressent les choses physiques, on a besoin des choses physiques, etc. Tandis que quand ma chère va venir, ça va être exactement le contraire. On va ressentir parce qu'il y aura une présence divine, on va la voir. Vous allez pas en parler, on va pas en parler de Dieu, on va le voir. On va pas le voir comme peut-être que moi je vous vois comme ça, mais il y aura une présence divine. Dans le temps du Beit Hamikdash, il y avait des miracles, il y avait un feu qui descendait du ciel et qui consommait le corban. En forme de lion, etc. Ils ont vu des miracles, ils ont vu la main de Dieu. Quand le peuple juif sont sortis d'Égypte, ils ont regardé, ils ont vu Zekeli 20 où ils disent que les petits enfants, ils ont dit voilà Dieu. Ils ont vu une présence divine. Bon, pour nous, c'est dur à... Ça veut dire présence divine. On va ressentir que les choses spirituelles sont des choses importantes. On va voir la vérité. Tandis que maintenant, la vérité, elle est dissimulée. On ne la voit pas toujours. On ne voit pas que... Hein. Où est-ce qu'il est Dieu ? On doit toujours se prouver que Dieu, il existe, que Dieu, il est là, on y croit... On le voit des fois dans les histoires de Hashgacha Pratit, on le ressent, quand on prie des fois on ressent qu'il y a quelque chose, on sent que la Neshama, quand même qu'elle s'étire envers des choses physiques, la Neshama ressent que c'est pas pour moi ça, je ne veux pas. Ça, oui, peut-être mon corps, je veux, il y a une partie de moi qui le veut, il y a une partie de moi qui veut courir de l'autre côté. Quand la matière va venir, on va le voir. On va voir la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire, on va voir la vérité. Ça va durer combien de temps, ça ? Hein ? Ça va durer combien de temps, ça ? Ça va durer pendant beaucoup de temps. Jusqu'à Triat Amitit. Triat Amitit à la fin. Ouais. Et quand ils vont construire le Bet-Amigdash ? Ça, là, c'est la deuxième. Après Triat Amitit ? Non, la deuxième époque. La deuxième époque. La deuxième étape. Mais ça va être construit par Dieu, non ? Alors, c'est par nous deux. Comment on dit ? Et on dit que nous, on va commencer et l'édifice lui-même va descendre du ciel. Mais nous, on va commencer. Plus, on va... Mais il n'y a plus de mort. Ça veut dire qu'il n'y a plus de reproduction de mort. Non, c'est fini. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il n'y a plus de reproduction ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y aura des. On va faire des enfants ou on ne va pas faire des enfants ? Oui, oui. Rien, ça s'arrête, tout s'arrête. Non. Ah, tu continues. Ah, est-ce qu'on n'est pas déjà dans les 70 ans ? C'est ça, non. Parce que comme vous avez dit, rien ne va changer, mais on va sentir une spiritualité. Le plus en plus de gens qui reviennent à la religion. Peut-être qu'on est dans les 70 ans. Les Haramim, ils disent qu'on est déjà à l'étape de Kibbutz Galuyot. Kibbutz Galuyot, en Israël, qu'on voit que... Le rassemblement des différents... Mais ça fait partie des 70 ans. Oui. Parce qu'on est dans les 70 ans. On espère. Kibbutz Galuyot, c'est le rassemblement de tous les Juifs dans le monde. La semaine prochaine... Hein, parce qu'on peut pas faire ça. Il n'y a pas de cours, c'est bon. Mardi. Oui, moi je préfère dimanche. Dimanche soir. Oui.